Cela c'est pour les malins, ceux qui ont la dalle. Qui perdent pas la balle sur le terrain. Tu fais dans l'illégal, tu préfères mourir de faim. Tu vois le frigo vide et tes mains usées par le travail. Les impôts t'ont tout pris, ils disent que c'est pas grave. Des salaires de ministres pour se payer des voyages. Et nous pendant ce temps, on vit dans la merde. Sale goût amer, et c'est la merde. Le pays en train de se dégrader, à cause des gradés. Et ils te parlent de drogue. Ils disent qu'il faut travailler, mais pour payer quel loyer? Donc ils nous mettent en cause. Ils te parlent de délinquance et qui les plus gros voyous? Ceux qui dirigent la France ou ceux qui sucent les cailloux? Putain de système corrompu. On aime la France, mais franchement on n'y croit plus. Un gosse, une femme, un frère, une sœur, peu importe ce qu'on pense, c'est pour eux qu'on se bat. Un père, une mère, un inconnu sur terre, croyance, couleur. Cette différence, on en est fiers. Les gars, c'est la guerre, ils veulent nous mettre à terre. Tu crois qu'on va se laisser faire? Appliquez vos lois de merde. Mais qu'est-ce que vous faites pour nous? Allez faire chier les milliardaires. On a les pieds dans la merde. Vous voulez qu'on perde? La seule raison qu'on a, ça fera pas vos affaires. Oui, vous voulez qu'on serve pour votre business. On mange des boîtes de conserve, on vit dans le stress. Mais t'inquiète, on se conserve, passe le temps en concert. Et tout le monde se conserve pour qu'on sorte du cercle vicieux que vous avez instauré, oui messieurs. On se lève tôt tous les jours pour survivre au chaos. Ils nous dispersent au chaos. On serait tenté de les carottes. Un gosse, une femme, un frère, une sœur, peu importe ce qu'on pense, c'est pour eux qu'on se bat. Un père, une mère, un inconnu sur terre, croyance, couleur. Cette différence, on en est fier. Le passage à Legault a fait mal au cul. Pardon, je rectifie, mal au cul des pauvres. Notre époque, on l'a pas voulu. Mais on peut encore voter blanc pour faire changer les choses. Comme disait Coluche, le vote serait révolu s'il pouvait changer la donne. Vous comprenez bien que notre liberté s'arrête à ces hommes. Avise la saison avec du rap, calé du goût car on nous emprisonne. Un gosse, une femme, un frère, une sœur, peu importe ce qu'on pense, c'est pour eux qu'on se bat. Un père, une mère, un inconnu sur terre, croyance, couleur. Cette différence, on en est fier. Un gosse, une femme, un frère, une sœur, peu importe ce qu'on pense, c'est pour eux qu'on se bat. Un père, une mère, un inconnu sur terre, croyance, couleur. Cette différence, on en est fier.